Bitariho. À la cabine technique se trouve Chancela Mugisha Wimana. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principales articulations. L'ONG Parsem se réjouit que le gouvernement burundais est confiant que ses actions contribuent dans la recherche des solutions aux défis qui hantent le pays. Dans ce journal, vous entendrez le directeur national de cette organisation qui a été reçu en audience mardi par le premier ministre burundais. Les conducteurs de moto et tuk-tuk de la province Ngozi sont depuis ce mardi, autorisés à travailler 24 heures sur 24. Avant, ils ne dépassaient pas 20 heures. Le Bureau burundais de normalisation et contrôle de qualité souhaite que les bouteilles en verre qui contenaient des boissons et jus ne puissent pas être commercialisées après leur usage. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le gouvernement burundais est confiant que les actions de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et des mentalités et contrôle et le réveil des consciences et l'évolution des mentalités contribuent dans la recherche des solutions aux défis qui hantent le pays. Déclaration du directeur national de Parsem ce mercredi au lendemain d'une audience qui lui a été accordée par le premier ministre burundais. Faustin Ndikumana a indiqué que leurs échanges ont porté beaucoup plus sur les questions en rapport avec l'économie et la bonne gouvernance et que le gouvernement les encourage à continuer la sensibilisation à l'endroit de toutes les couches de la population. Suivez. Nous avons analysé la situation actuelle, l'état des lieux. Nous avons vraiment analysé sans fond fouillard la situation. Nous avons constaté que le Burundi vraiment est... Il y a beaucoup de défis qui hantent notre pays et qui nécessitent une panacée bien méditée, bien pensée, avec sagacité et avec, je dirais, avec rationalité. Donc, sur ce point, maintenant, il ne faut plus y aller par quatre chemins. Le constat est consensuel. Nous le voyons de la même façon. Et il faut aller à la recherche de cette panacée. Deuxièmement, nous avons analysé les relations entre la société civile et le gouvernement qui ont évolué en dents aussi depuis une certaine période. Vous savez, des fois, les relations étaient tendues suite au contexte. Il y a des organisations qui ont été suspendues à maintes reprises, dont la nôtre. Mais nous avons dit que cette situation où les uns les autres se regardaient en chaîne de faïence, qu'il fallait que ça change. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas continuer à être hypnotisé par le passé sombre et lourd qui a pesé lourdement sur nos relations. Il faut plutôt regarder vers l'avenir afin de construire un avenir radieux ensemble. Troisièmement, nous avons été contents de constater qu'il invite Parsem de contribuer grandement dans la sensibilisation et la réveil de conscience parce qu'il a dit que Parsem, une organisation, il a comme objectif de sensibiliser pour le changement de mentalité. C'est une organisation très nécessaire dans le contexte actuel pour nous aider à relayer nos messages, à réveiller, à secouer l'apathie des gens, pour faire bouger les lignes, briser les conservatismes et les paradigmes. Tout cela, on a échangé et nous sommes dit que nous qu'on va contribuer. Je me dis alors que les trois points qui ont retenu notre attention ont abouti à des résultats satisfaisants. Globalement, on dit que notre rencontre a été cordiale et fructueuse. Faustin Ndikumana, directeur national de Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités, des propos recueillis par Francine Diokoubgaï. Les motards et conducteurs de tuk-tuk de la province Ngozi sont depuis ce mercredi autorisés à travailler 24 heures sur 24 au moment où avant ils ne dépassaient pas 22 heures. Pour des raisons sécuritaires. Décision prise mardi dans une réunion du gouverneur de cette province avec les conducteurs de ces motos et tuk-tuk. Emmanuel Nachonsanze leur a accordé un délai d'essai d'un mois pour prouver leur capacité à aider dans la sauvegarde de la sécurité. Les précisions d'Apollinaire Muzagara de Pingozi. Selon le gouverneur de la province Ngozi, Emmanuel Nachonsanze, cette décision de limitation des heures de travail jusqu'à 20 heures pour les motards et 21 heures pour les tuk-tuk a été prise pour limiter les cas de banditisme, des voleurs à bord des motos, arracher des téléphones portables, sacs à main et autres. Au passage, après cette mesure, ces transporteurs se lamentaient comme quoi ils travaillaient à perte car selon eux, bon nombre de clients restent dans les bistrots ou aux différents services au-delà de 20 heures. Ce qui a poussé le gouverneur de la province Ngozi et le responsable de la police à réunir plus d'une fois ses transporteurs pour trouver ensemble une solution. Ces motards ont promis de travailler d'arrache-pied en vue de contribuer davantage dans le maintien de la sécurité, d'où la décision de ce mardi soir de travailler même jusqu'à l'aube, exception faite pour ceux qui opèrent tout près de la frontière afin d'éviter la fraude. Emmanuel Nachosanze a donné un essai d'un mois afin de constater les résultats. Ces motards et conducteurs de tuk-tuk saluent cette décision qui, selon eux, va apporter un léger mieux quant à l'argent récolté quotidiennement. Ngozi, Apune Muzagara, Radio Sangani. Vous l'avez donc entendu, ces motards et conducteurs de tuk-tuk Ngozi opéraient jusqu'à 20h et non 22h, comme je vous le disais tantôt. Le Bureau burundais de normalisation et contrôle de qualité souhaite que les bouteilles en verre qui contenaient des boissons et jus ne puissent pas être commercialisées dans les marchés après leur usage. Séverin Sindaikengera, directeur du BBN, explique que ces bouteilles, après usage, devraient être collectées et remises dans les industries d'origine. Il l'a dit ce mardi lors d'une conférence de presse. Je vous prie de l'écouter. Nous aimerions à ce que ces emballages de récupération qui soient utilisés soient collectés, pas pour aller au marché, mais pour retourner chez les fabricants ou les fournisseurs comme la loi l'exige. Ça, c'est vraiment une impérative. Et à côté de cela, nous souhaitons aussi que les jus ou les boissons qui se trouvent dans des bouteilles en verre, surtout les bouteilles de type Leff ou Henken, ne soient pas commercialisées au marché. Parce que les mêmes problèmes avec les bouteilles en plastique se remarquent avec les bouteilles en verre. Ça fait déjà beaucoup de temps que nous ne donnons pas un certificat à ces gens qui mettent leurs produits dans les bouteilles en verre de récupération. Et je pense qu'ils vont suivre. Et tout ceci, nous exigeons à l'administration locale de nous aider, puisque cette problématique de gestion de la qualité n'incombe pas au BBN seulement, le BBN qui représente l'État. Mais ça incombe à tout le monde et nous devons vraiment le faire dans le but de protéger la santé des consommateurs. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04, nous poursuivons avec ce journal. Le secteur agricole burundais devrait être doté d'un personnel suffisant, qualifié et équipé pour son efficacité dans le développement des familles et partant du pays. Tels sont les propos de certains des conseillers communaux élus en province de Lumonge lors de leur réunion avec Denise Ndadaye, premier vice-président du Sénat burundais. C'était hier mardi. La sénatrice Denise Ndadaye dit que cette question est déjà adressée aux ministres concernés pour y apporter solution. Plus de 5000 moustiquaires, plus de 1500 filets maillants et 10 scènes de plages ont été brûlées ce mardi en commune Busoni de la province Kirundo. Ces filets prohibés étaient utilisés dans la pêche dans le lac Kerguéru. Evelyne Ninazwe, conseillère à la Direction générale de pêche, demande à la population vivant sur les rives des lacs et autres pêcheurs de cesser l'utilisation de ces filets prohibés car, dit-elle, ils détruisent les petits poissons ainsi que leurs œufs, ce qui constitue la faillite pour eux et pour tout le pays. Le point avec Abraham Safari. Ces moustiquaires qui ont été brûlés ce mardi dans l'après-midi en commune de Busoni, province de Kirundo, s'estiment à 5453. À côté de celle-ci, 1536 filets maillants et 10 scènes de plage ont été également brûlés et tous étaient utilisés dans la pêche dans le lac Erguéru, comme le précise Mme Godebert Manelakiza, la responsable provinciale du secteur de pêche à Kirundo. Elle fait savoir que l'utilisation de ces filets détruit énormément car les moustiquaires qui sont imprégnés des médicaments tue ces petits animaux aquatiques. Evelyne Ninina Hazwe, conseillère à la Direction générale de pêche, demande aux pêcheurs en général et à la population riveraine en particulier de cesser à utiliser ces filets prohibés car ils détruisent les petits poissons et les œufs. Tout cela freine non pas le développement de cette population, mais également tout le pays. Vous saurez que dans la matinée de ce mercredi au commissariat de police à Kirundo, 1514 moustiquaires saisis dans le lac Chohoha, 16 filets maillants et une scène de plage ont été également brûlées. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci à Abraham Safari. L'association des migrants burundais exerçant leurs activités à Uvira, en République démocratique du Congo, décourage les Burundais à s'enrôler comme Congolais pendant la période préélectorale en cours. Le président de cette association, Zohaonimana Jean Bosco, parlait de 4 personnes déjà arrêtées en pleine tentative d'enrôlement. Il condamne ces actes et décourage ses compatriotes à suivre cette voie, mais aussi il dit vouloir laisser à l'État congolais de faire son travail. Pour ceux qui ont été surpris. La chronique de ce mercredi est centrée sur la justification des échecs sans création de bouc émissaire. Professeur Evariste Ngaïmena, historien et enseignant d'université, explique cela par l'incapacité et la mauvaise foi d'un individu ou d'un pays. Il suggère l'évaluation de l'ampleur d'un travail. Je vous prie d'écouter professeur Evariste Ngaïmena. On peut échouer parce que, en réalité, avant d'entreprendre, on a fait ce qu'on appelle une mauvaise évaluation ex ante. C'est-à-dire qu'on a mal évalué l'ampleur du travail en termes de moyens qu'il faut mobiliser, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources financières, que ce soit le temps qu'il faut y mettre. Eh bien, lorsque vous avez fait une mauvaise évaluation, il est clair que vous allez échouer. Vous allez échouer soit en conduisant mal le travail que vous aviez à faire, vous avez échoué, soit que vous n'allez pas arriver à bout. Ça, c'est la première source, je dirais. La deuxième explication de l'échec, c'est lorsque vous entreprenez sans volonté réel, c'est-à-dire qu'il y a, pas de conviction et donc vous faussez très délibérément les jeux en termes de tout ce qui constitue au processus. Et tout naturellement, quand ça devient flagrant, vous devez naturellement trouver des boucs émissaires, vous devez en fait trouver des justifications. Et dans ces justifications, vous n'allez jamais vous remettre en cause. Vous allez jeter le tort sur les autres. Sinon, quand vous êtes honnête avec vous-même, il y a plusieurs façons d'évaluer des situations, il y a plusieurs façons d'évaluer la mise en œuvre des projets, et on s'est dit, voilà, on a loupé à tel ou tel autre niveau, on a mal évalué les ressources nécessaires, on a mal évalué les risques du terrain, et là, vous vous engagez à redresser. Sinon, quand ce n'est pas le cas, c'est qu'effectivement, l'échec était connu dès le départ et le bouc émissaire était aussi préparé dès le départ. Je vous le disais tantôt, selon cet enseignant d'université, il est possible de justifier un échec sans accuser les autres. Suivez-le encore une fois. Bien sûr qu'on peut justifier un échec sans accuser les autres. Parce que, encore une fois, je l'ai dit, l'échec est humain. Lorsque vous devez justifier votre échec par la mise en accusation des autres, c'est-à-dire par ce qu'on appelle la création des boucs émissaires, eh bien, c'est la meilleure façon d'étaler d'abord votre incapacité. Et c'est surtout la meilleure façon d'étaler aussi votre mauvaise foi. Et c'est la meilleure façon aussi d'embrigader la société, d'embrigader votre pays. Parce que, en toutes circonstances, il y a moyen de trouver des boucs émissaires. Surtout quand vous ne voulez rien entreprendre ou quand vous n'êtes capable d'entreprendre quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs ce qui empêche beaucoup de sociétés d'avancer. Se rejettent toujours les responsabilités. Une brève internationale avant de clore ce journal. Le Parlement angolais doit examiner ce vendredi la demande de déploiement d'un contingent militaire dans l'est de la RDC. Selon nos confrères de RFI, ce déploiement a été annoncé il y a quelques jours par le président congolais João Lourenço, qui est également président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et médiateur dans la crise en RD Congo. La validation des députés angolais est obligatoire, mais ne devrait pas poser de problème. Pour Kinshasa, le contingent angolais ne vient pas se battre dans l'est de la République démocratique du Congo, ni contre le M23, ni contre tous les autres groupes. Il vient mettre en œuvre le mécanisme de vérification prévu par le processus de Luanda. Au ministère congolais des Affaires étrangères, on insiste sur le caractère technique de cette expédition. Il s'agit de se déployer pour préparer le cantonnement du M23 après le cessez-le-feu et le retrait éventuel de son mouvement des zones qu'il a conquises ces derniers mois. L'autre axe de la mission est toujours selon RFI de vérifier les allégations et les accusations d'agression qui empoisonnent les relations entre Kinshasa et Kigali. Et voilà. À 13h passées de 11 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Chancela Mugishawimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.